Je vous le disais donc, nuisance du 24, je crois, juin 2016. Il est actuellement 22h, donc avec une heure de retard à commencer grâce à une assemblée générale de l'association donc Canal Sud qui se tenait donc dans les locaux 40 rue Alfred du Mérite, Lanta 1400 Toulouse, France, de cette même Sustit Radio. bah ça y est, du sens a commencé, la grande et belle musique, on sent pas de steak. Thank you. Oui, donc comme je vous disais à l'instant, le silence est la plus vibrante des paroles, comme diraient certaines personnes. Je ne le dis pas évidemment que non, puisque je ne suis pas ces personnes-là. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Il est effectivement 23h le vendredi soir, donc le vendredi 24 juin 2016. Et il est 11h, 23h moins le quart, moins le quart. Je vous répète, il est 23h moins le quart au 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse, France. Et vive la belle et grande musique! Savent pas, demain, samedi 25 juin 2016, eh bien il y a les portes ouvertes de Mixart Miris, rue Ferdinand Lassalle à Toulouse, à partir de 15h et jusqu'à tard dans la nuit, vous pourrez assister à et visiter des choses. Je vous répète donc, Mixart Miris demain. Porte ouverte. Vous écoutez toujours Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance, Nuisance l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances qui bat son plein, comme vous pouvez l'entendre derrière moi ou devant moi, de temps en temps. Le bruit, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien même. vous écoutez Canal Sud. Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Ouais, ouais. Donc vous écoutez Canal Sud, l'émission c'est Nuisance, Canal Sud de la radio, Radio Libre ou Mourir, sur le 92.2 FM, Toulousain, en France, ou au 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse, France, ou sur le www.canalsud.net, ou au téléphone au 05 61 53 36 95, et c'est tout. Voilà, Nuisance, je sais c'est triste, mais il est 11h, donc je respecte, j'arrête, oui. Le respect, c'est arrêter des fois. Allez, toujours faire.